Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Nexno. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle saga des Fab Four, la numéro 349. Est-ce que vous allez bien? Moi, bon, ça va, merci. Je suis Thierry Gallet, je vous accompagne jusqu'à 22h pour 2 heures de John, Paul, Ringo et George des Beatles, avec également John Pizzarelli. Non, c'est pas un appel à la mangeaille, à manger une pizza, il s'appelle comme ça. Il nous chantera I've Just Seen a Face en version plutôt jazzy sur l'album John Pizzarelli Meets the Beatles en 1998. Ce sera en 18e chanson. Il y aura également un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt de Paul McCartney en 1989. On écoutera My Brave Face, qui avait fait un carton à l'époque. Il y aura également You Want Her To avec Elvis Costello en duo avec Elvis Costello. Il y aura Put It There, il y aura We Got Married, Distraction. Et une chanson de plus qui n'était pas sur l'album en 89, mais sur la ressortie, le Remasters, et donc l'album Deluxe. Il y a par exemple Playboy to a Man, qui date des sessions de Flowers in the Dirt. On écoutera ça en fin d'émission. Pour John Lennon, ce sera Whatever Gets You Through the Night, mais la version de l'anthologie 3, The Lost Weekend, sortie en 1998, donc des anthologies de Lennon. Pour George Harrison, on écoutera Behind That Locked Door, excellente chanson, extrait du triple album fabuleux de 1970, All Things Must Pass. Pour Ringo Starr, ce sera le single de 1974, It's All Down to Goodnight Vienna. Ce sera très très très bien. Et pour les Beatles, on va laisser une petite un petit blanc. Je vous dirai pourquoi. Bon, vous l'entendrez parce que ce sera spécial. Mais bon, rien d'extraordinaire, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous propose de commencer. Nous sommes en 1989. Ça fait 3 ans qu'il nous a laissé tout seul, sans grand chose à nous mettre sous la dent. 2 ans en fait, il a sorti un truc en 87. Et il revient avec un bon album et il revient sur scène avec ce titre, très Beatles, My Brave Face sur RG. My brave face. En 1989, Paul McCartney dit, si c'est vrai que ce morceau ressemble à ce qu'on a pu faire avec les Beatles, mais s'il y a des gens sur Terre qui peuvent imiter le style des Beatles, ben c'est George, c'est Ringo, c'est John. Enfin, en 89, il n'était plus là. Et c'est moi. Pourquoi nous, on ne pourrait pas imiter le style des Beatles? Il a raison, Paul McCartney. Donc, il reprend ça avec bonheur. Et c'est tant mieux. C'est un très, très bon album. Il était en forme. Il est revenu vraiment bien. Et moi, je me souviens que c'est l'année où j'ai vu pour la première fois Paul McCartney sur scène, au mois d'octobre. Et c'était absolument divin. You through the night, it's alright. Get your money or your life, it's alright. Don't need a sword to cut through the flowers. Oh no, oh no. Whatever gets you through your life, it's alright. plusieurs fois. C'est de la bouche de George Harrison que l'on sait ça. Il a estimé que durant les Beatles, forcément, a placé un ou deux titres. Et surtout, alors que, au fil des années, en 68, 69, même 70, il a accumulé des tonnes de bonnes chansons qu'il gardait pour lui ou qu'il offrait aux autres. Eh bien, il a eu l'impression d'être constipé avec les Beatles. Et lorsqu'il s'est libéré des Beatles, on a eu le droit à All Things Must Pass. Donc, c'est vrai que régulièrement, sur le net, vient l'idée que Yoko Ono, par exemple, est la responsable de l'éclatement des Beatles. Eh bien, moi, je dis, malgré tout, je dis non, elle n'est pas l'unique responsable. Elle en a fait partie, oui, c'est certain. Mais les Beatles se seraient séparés de toute façon. La preuve, George Harrison estimait qu'il n'était pas assez apprécié, qu'on ne passait pas assez de ses chansons. Et tôt ou tard, lui serait parti, certainement, même sans Yoko. Et puis il y a d'autres choses. Il y a le fait que chacun allait dans une direction différente. Et puis ils étaient tous très, très créatifs. Bon, mis à part Ringo, qui lui suivait tout le monde. Mais John aurait voulu sortir plus de chansons. McCartney aurait voulu sortir plus de chansons. C'est vrai que lorsque John compose Cold Turkey, donc qui veut dire désintoxication, ça ne plaisait pas à Paul McCartney, et l'entité Beatles les empêchait de faire ça. Et donc, on allait aller à l'éclatement. C'est ce qui a été fait. C'est comme ça. C'est du passé. Voici Ringo Starr en 1974, et ce titre, It's All Down to Goodnight Vienna. Ça reprend le titre du 33 tours, du début de 33 tours, Goodnight Vienna, et la reprise à la fin du 33 tours. Les deux ensemble sur le 45 tours. C'est sur RIG, forcément. Ready to do it to you one more time. À Apparemment, ça ne passe pas bien pour le net sur www.rigfm.fr, mais la FM continue donc sur 90.7. Eh bien, on fait l'émission comme si de rien n'était, parce que je sais que vous écoutez également aux alentours de Bordeaux sur 90.7. Les autres, eh bien, les autres, merci d'être passés et vous aurez le podcast si tout va bien demain ou quelque chose comme ça. Voilà. Nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la créatrice et la directrice du Beatles Magazine à Londres. Grâce à elle, vous pouvez savoir tout sur Paul, John, Ringo, George, toute leur carrière, des inédits, des vidéos, des albums en tout cas, ce que vous pouvez découvrir des prochains projets de Paul McCartney ou de Ringo Starr ou des amis de ceux-là, Eric Clapton par exemple, ou même les fils d'eux, Danny Harrison, Sean Lennon, ou voilà, s'il se passe quelque chose dans le monde des Beatles, ce sera sur www.beatlesmagazineuk.com, sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur bien d'autres. C'est 7 jours sur 7, 365 jours par an, et c'est absolument merveilleux. Merci Beatles Magazine, merci Lovely Rita. Aurélien sur Facebook nous a dit qu'aujourd'hui c'était son anniversaire. Alors bon anniversaire Aurélien, voici Birthday juste pour toi. À l'album de la semaine pour la deuxième fois, donc c'est le premier retour, en duo avec Elvis Costello, You Want Her To, sur l'album Flowers in the Dirt, sorti en 1989. Intentions are quite sincere. That's not what you said. Je l'ai dit de temps en temps, avec une certaine honte d'ailleurs, du haut de mes 25 ans à l'époque, en 1989, lorsque j'avais vu Paul McCartney chanter sur scène à Bercy. Il avait alors 47 ans et je m'étais dit « Oh, dites donc, le vieux, il se débrouille encore bien, le vieux ». Ooh.

things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Deux chansons de 1964, quelle belle année, l'année de Hard Day's Night, l'année des légendes. When I Get Home, d'abord, avec John qui dit de cette chanson qu'elle n'était qu'une cloche de vache à quatre mesures, un petit peu dur quand même, et Things We Said Today en mai 1964, alors qu'il venait de terminer le tournage de Hard Day's Night, et après avoir donné quelques concerts prévus de longue date en Angleterre et en Écosse, les Beatles et leurs compagnes prirent des vacances. John et George firent le tour du monde en s'arrêtant en Hollande, en Polynésie, à Hawaï et au Canada, tandis que Paul et Ringo visitaient la France et le Portugal avant de s'envoler pour les îles Vierges. Aux Caraïbes, Paul loua un yacht du nom de Happy Days. À bord, avec Ringo, Maureen et Jane, il composa Things We Said Today sur sa guitare acoustique. Cette chanson reflète sa relation avec Jane parce qu'il savait, de par la nature de leur profession, qu'ils ne pouvaient pas se consacrer beaucoup de temps l'un à l'autre. Lorsqu'ils étaient séparés, expliqua-t-il, ils se réconfortaient en pensant que, à ce qu'ils s'étaient dit un peu plus tôt, Things We Said Today. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson. On retrouve John Lennon en 1971 pour être exact, laissez-moi regarder. Oui, c'est ça, 1971, même si d'après mon ordinateur, c'est également revenu sur une version remasterisée de l'album Plastic Ono Band. Vous pouvez le retrouver sur cet album-là. Voici Power to the People sur RIG. Say

Paul McCartney en 1989, pendant la tournée 89, mais c'est sorti en 1990 sur l'album Tripping the Live Fantastic. Vous êtes bien sur RIG, la FM fonctionne, l'internet a du mal ce soir, alors désolé pour ceux qui n'arrivent pas à nous capter, vous aurez le podcast en allant rechercher sur Facebook le groupe La Saga des Fab Four, le podcast de demain ou après-demain. Vous aurez le podcast de cette émission. Pour tous les autres, restez sur 90.7, c'est jusqu'à 22h, c'est La Saga des Fab Four. Every time. la chanson Living in a Material World qui a donné son titre à l'album, à moins que ce soit le contraire. Allez savoir, je ne suis pas dans l'esprit de George Harrison, surtout en 1973. Je n'avais que 9 ans. En tout cas, cette chanson est marrante parce que il parle discrètement des Beatles en disant qu'il a rencontré John et Paul dans le monde matériel et qu'ils sont devenus riches en faisant des tournées. Et c'est une blague en anglais parce que we got Richie on a tour. On est devenu riche en faisant des tournées, mais Richie c'est Richard et Richard c'est Ringo Starr. Donc c'était de l'humour, l'humour bien particulier de George Harrison, mais il était très sympa George Harrison. Les Beatles and Your Bird Can Sing sur RG. Restez avec nous sur la FM 90.7, c'est la radio des Beatles. L'album Revolver, nous remontons les années, enfin plutôt nous défaisons défiler les années. On arrive jusqu'en 1989 et l'album de la semaine. Et cette chanson, Nous nous sommes mariés, Linda et moi. C'est pas moi, hein, c'est Paul McCartney qui le dit dans cet album Flowers in the Dirt, qui est l'album de la semaine de ce soir, de cette 349e saga des Fab Four. Going fast. Coming soon, we made love in the afternoon. Found a flat, after that, we got married. Working hard for the dream, scoring goals for the other team. Times were bad, we were glad, we got married. To each other. When you find the meeting of the minds, it's just as well. Love was all we ever wanted. It was all we ever had. Further on in the game, waiting up till the children came. Place your bets, no regrets. We got married. We got married. We got married. Life, loving wife, we got married. Nous arrivons à La Cover. La Cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George chantent d'abord en tant que Beatles ou pas, et que vous reprenez, ou qu'un autre artiste connu ou moins connu reprend, même si éventuellement les Beatles ont repris une chanson de leur père, genre Chuck Berry ou quelque chose comme ça. C'est La Cover. La Cover de ce soir, c'est une chanson, c'est un album qui s'appelle assez jazz, qui s'appelle j'ai perdu la ligne, John Pizzarelli, oui c'est son nom, Meets the Beatles, sorti en 1998. Le morceau que je vous propose, c'est I've Just Seen a Face sur RIG. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Da-da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. La-da-da-da-da-da. Falling, yes I am falling. She keeps calling me back again. Forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back. C'est cool, hein, c'est bien, moi j'aime bien, c'est jazzy, c'est à l'esprit de l'original, mais c'est repris façon jazz. Tiens, je voudrais vous faire écouter, parce qu'on a un petit peu de temps, écoutez. Tutta la musica dei favolosi quattro di Liverpool, in una collezione unica di album in vinile. The Beatles Vinyl Collection. Di Agostini. E torniamo in diretta, abbiamo appena ascoltato il primo, number one, tratto da One, di questi 27 singoli che possiamo trovare anche in edicola grazie a Lady Costini. La versione di Love Me Do è quella del 5 ottobre del 62 che vede Andy White alla batteria e Ringo Starr. Vous avez compris, c'est Andy White à la batterie sur Love Me Do. Je ne parle pas du tout italien, mais c'est mon pote Daniel qui fait actuellement son émission sur Atom Radio en Italie. Et bon, ben, j'avais envie de vous proposer, ça commence à 21h son émission, donc il vient juste de démarrer. Et donc on lui fait un petit coucou à Daniel. Daniele peut-être, quelque chose comme ça. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les parents. Oh! change it if I would choose to. Ask me what the time is or how much space I need. Don't beg the Mona Lisa, you know where she's been. We're rock and roll people, born to be the blues. Yeah, we're rock and roll people. I just couldn't change it if I would choose. John Lennon. Cette chanson aurait pu figurer sur l'album Rock and Roll de 1975, mais faute de place, ça n'a pas été le cas. Je vais vous proposer deux versions de la même chanson. Une chanson qu'a écrit Ringo Starr en 1977 sur un album plutôt faible, ces années noires, ces années d'alcool malheureusement. L'album s'appelle Ringo the Fourth et le morceau c'est Wings. Il y aura un intermédiaire, un instrumental des Beatles entre les deux. Et puis la même chanson, mais vous allez voir avec beaucoup plus de punch, recréée par Ringo Starr en 2012 sur l'album Ringo 2012. Écoutez. Je ne sais plus si j'ai dit le titre, c'est Wings, le titre du morceau. If I had the wings of an eagle, over these broken dreams I would fly. If I could be shot like an arrow, straight to you in your arms I would. You know I love you, don't you know I Beatles quelque part avant les Beatles, puisque nous sommes en 1961. Ça s'appelle Cry for Shadow. Donc effectivement, si vous trouvez que ça ressemble au Shadow, c'est normal, c'était un clin d'œil. Et voici la même chanson que tout à l'heure, Wings, en 2012 par Ringo Starr. If I had the wings of an eagle, over these broken dreams I will fly. If I could be shot like an arrow, finalement, les deux versions sont plutôt sympas. Je trouve que la deuxième a plus de punch, mais bon, la première est bien aussi. Allez, on retrouve les Beatles. For No One. Je vous l'ai pris, non pas sur l'album Revolver, mais sur les US Albums. Je crois que c'est en version mono. C'est très sympa aussi. Vous êtes bien sur RIG. Il est 21h27. Dans un peu plus de 30 minutes, ce sera Eric pour Johnny de A à Z. Your day breaks, your mind aches, you find that all linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see

of you and the things we do. If we could only be through these distractions, like butterflies that buzzing round my head. Life we'd lead if we could only be free from these distractions. J'aime bien l'entrée de basse de cette chanson, on entend tout comme ça. Il avait repris la basse Hofner, la basse des Beatles, pour cet album-là. Il l'avait pas fait avant, je pense pas, en tout cas, ou peut-être occasionnellement, mais pas sur tout un album. Et là, c'est vraiment, vraiment un son chaud, un son... Enfin, c'est le Paul McCartney qu'on aime, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, voici, en 2002, l'album Brainwashed de George Harrison, l'album posthume, malheureusement. Mais cette belle chanson, Stuck Inside the Cloud, sur RIG. So much. Lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself, crying out loud. Only I can hear you. Stuck inside a cloud. Some exhibition. I lost my will to eat. Only thing that matters to me is to touch your notice feet. I'm talking to myself. Inside a cloud, talking to myself.

You got so many ways to go. Try it on the right side, off the right side of the road. Try it on the right side, on the right side of the road. Allez, je vais finir en retard si jamais j'accélère pas. Dernier extrait de l'album de la semaine. Il n'était pas sur l'album de la semaine en 1989, lors de la ressortie, le remaster, la version deluxe. Voici Playboy to a Man. Ça va très bien, Paul McCartney. C'est sur RIG et c'est l'album de la semaine, Flowers in the Dirt. Cette émission avec du Beatles, Lady Madonna, suivie de The Ballad of John and Yoko. See you. c'est cadeau, c'est parce que c'est vous. Les deux dernières chansons sont de Ringo Starr. D'abord Still Standing Still et Speed of Sound, extrait du nouvel album Give More Love. Donnons plus d'amour, les amis. When you wake up, you gotta make up your mind what you're gonna do. You can't lie there and sigh there, then life's too hard for you. Take your time now, change your mind now, there's nothing that can't be done. Somebody has to go live your life, and you're the only one. You don't mean nothing if you don't do nothing. You're just waiting at the bottom of the hill. You don't mean nothing if you don't do nothing. You're just standing still. Of the universe. Stop talking, start walking. You gotta move one foot first. Raise your head, get out of bed, see what's going on. Make a better world where you're going than the one you're coming from. You don't mean nothing if you don't do nothing. You're just waiting at the bottom of the hill. You don't mean nothing if you don't do nothing. You're just standing still. Just waiting at the bottom of the hill. It don't mean nothing if you don't do nothing. You're just standing still. It don't mean nothing if you don't do nothing. Just waiting at the bottom of the hill. It don't mean nothing if you don't do nothing. You're just standing still. It don't mean nothing if you don't do nothing. You're just waiting at the bottom of the hill. It don't mean nothing if you don't do nothing. You're just standing still. And I've got to do it right. je sais, on a coupé Ringo Starr, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien de Eric qui est derrière moi et qui va vous animer dans quelques secondes son émission merveilleuse Johnny de A à Z. Je vous souhaite une très bonne semaine. D'abord, une bonne écoute de son émission. Une très bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain pour d'autres aventures. C'était Thierry Gallet en FM seulement ce soir. Et je vous souhaite donc plein de bonnes choses, du bonheur. Give More Love, c'est l'album de Ringo Starr. Ciao, à bientôt.